J'entends tourner que la 308, t'es banalisé. Je t'envoie un ballon, tu fais où sur la frappe, t'es paralysé. Je suis dans le fond du bench, je suis dans le fond du club, je suis localisé. Elle a pris ses clics, elle a pris ses claques, je lui ai tout lâché, j'avais trop teasé. Je suis sorti du placard à perte, 1-2 kilos et je me suis relancé. Ne crache pas sur le bénéf de la verte, même s'il rapporte beaucoup moins que la C. J'ai passé l'âge menacé, même tabassé, je l'ai direct effacé. Et une fois que l'affaire est classée, on met ton corps dans le coffre du classé. Pas moi de billets verts au bout de ma vue. Vois que les bleus qui tournent quand je suis sur le pavé. Bibi la coque, je m'en fous de son cavu. Chez moi c'est l'anarchie, si seulement tu savais. Sous pilon en train de kiffer, dans mon élément je me sens plus. Je suis tout au fond de la cité, posé dans le capot de sortie. C'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur, on sait que t'as même pas de centimes. Fais 6 gros mais la pas de couilles, j'ai mis une race bas de 200 kills. Ça tire à balle et elle fait pas de faux pas. Putain je dois faire partir mes litres en coca. C'est puis je vais me donner son cœur mais moi j'en veux pas. Posé en bas du Banks avec mes losas. Ça tire à balle et elle fait pas de faux pas. Putain je dois faire partir mes litres en coca. C'est puis je vais me donner son cœur mais moi j'en veux pas. Je reste posé en bas du Banks avec mes losas. Je le vois dans tes yeux, mon ami, tu as peur. On me confie un secret, tu en parles, tu as tort. Mauvais endroit, au mauvais moment, être des victimes, tu es à tort. Tentative de suicide, c'est pas ton heure, donc tu attends. Les policiers essaient de nous terroriser. Plaquette de frappe, couteau très bien aiguisé. J'ai de la sèche, j'suis sur Paris, Champs-Élysées. Mon clip est sorti, boosté, j'suis parti blessé. J'ai pas changé, j'suis toujours le même. J'traîne toujours au fond du bâtiment. Ma chérie, pas le temps pour tes sentiments. Rien que tu parles, mais je sais que tu mens. Ça bicrave de la coco en bas de chez moi. Si j'suis pas là, frérot, pense à moi. Demain c'est là, mais demain c'est loin. Fils de bénéf et des potes en moins. Maman, désolé, j'suis dans le bloc. Derrière les vitres teintées, fais pas de faux pas. J'finis défoncé, je fume ma loca. Dans la gova avec Aliou Bouba. Ça tire à balle et elle fait pas de faux pas. Putain, j'dois faire partir mes litres de coca. Cette bitch veut me donner son cœur, mais moi j'en veux pas. Posé en bas du bec avec mes losas. Ça tire à balle et elle fait pas de faux pas. Putain, j'dois faire partir mes litres de coca. Je vais me donner son cœur mais moi j'en veux pas. J'reste posé en bas du Banks avec mes losas. Ralentis gros tu connais la suite. L'instrumental on l'a trop bien niqué. Sache que c'est pas les armes qui font les hommes. Crois pas que t'es un show parce que t'es broliqué. Quand t'es j'arrive je l'ai fait paniquer. Tu nous dis que c'est une pute mais tu l'as paniqué. Gros, je vais pas trop polémiquer. C'est pas pour l'état, je vais pas communiquer. Ce soir je dors à l'hôtel avec Dominicaine. Je sais pas trop par où commencer. Jean, fille la podcast, je les ken. Elle s'attendait à ce que je voulais romancer. J'ai revendu la beuh que j'ai vendu lassé. Par malheur j'ai tellement remis mes lacets. En promenade y'a personne qui peut me menacer. Avant je t'aimais bien, maintenant je me suis lassé. À bord du vaisseau mère, j'suis dans mon élément. On ne fait plus dans l'illégal, on ne fait plus dans les sentiments. Ta salope à la boco, dis-lui de venir sucer gentiment. Tu parles mon sec, tu mens, nous on veut qu'il le cache dans le ciment. Ça tire à balle et elle fait pas de faux pas. Putain j'dois faire partir mes litres de coca. Cette bitch veut me donner son cœur mais moi j'en veux pas.